En Corée, Madame Lee Yoo-sun, habitant la subdivision communale numéro 3 du chef-lieu de l'arrondissement de Gopun, province du Tagang, a salué le centenaire. Rappelons que dans notre régime socialiste, le nombre des macrobiens augmente toujours. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a fait fêter solennellement son anniversaire.